طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا أمس من الباب الأول. Donc hier on a terminé la première bab qui était sur quel sujet? La première bab du livre. Ya Moussa. Al-Hadith fi darb al-nisa ou la fi mada? Fa yani le yani al-bab fi darb al-nisa ou la fi yesh? باب الكتاب. ايه باب الكتاب. باب عقيدة. ايه نعم. في عناية المرأة للعقيدة الصحيحة. نعم. طيب بس انا نخليها كذا. طيب. دوك. بس يبغي يسمع اخي. Donc la première bab qu'on a vue concernait عنايه المراه المسلمه بالعقيده الصحيحه. نعم. وذكرنا عدة فوائد في الحديث الذي ذكره المؤلف تحت هذا الباب. Donc on avait évoqué plusieurs points à tirer du hadith qu'a évoqué l'auteur en dessous du premier chapitre. نعم. من يستطيع أن يخرج لي ثلاثة فوائد مما ذكرنا؟ من ثلاثة فقط. نعم. أحسنت. Le fait qu'il ait permis à la femme de faire paître des moutons avec le short. Et short. نعم. مع الأمن. Si toutefois elle est, on ne craint rien pour elle comme danger. Il est permis à la femme seule d'aller paître des troupeaux. نعم. ومن فوائد الحديث كذلك عندك يا هارون. تفضل يا يحيى. نعم نعم. سرعة الرجوع إلى الحق عند الوقوع في الخطأ كما فعل ذلك الصحابي أو ذلكم الصحابي. نعم. الجواز الاستفهام أين. نعم. كذلك le fait qu'il est permis de dire ou de demander Ayn Allah, où se trouve Allah Azza wa Jal. نعم. واخذنا عدة فوائد ونسينا أن نذكر أن من أعظم ما نستفيد من الحديث أن المرأة اعتقت بإيش؟ بمجرد هذه العقيدة الصحيحة التي كانت في جوفها. Donc, et aussi parmi les fawaïd qu'on a oublié d'évoquer dans le hadith, le fait que cette femme-là, elle a été affranchie par sa connaissance de la aqida, la croyance authentique. نعم. فكذلك هذا مما يذكر من فوائد الحديث. طيب. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله أو حفظه الله وعليكم السلام ورحمة الله. ذهاب المرأة إلى المشعوذين لعمل ما يحب لعمل ما يحببها إلى زوجها يعتبر شركا. Donc là, c'est une nouvelle bab, toujours en dessous du livre de la Aqida. Et cette bab, elle dit, le fait que la femme parte chez al-musha'widin. Les musha'widin, en français, c'est les charlatans. Mais Inch'Allah, on va voir c'est quoi le but visé par ce mot-là. Naam. Donc, le fait que le départ de la femme chez des charlatans pour commettre une œuvre qui la fera aimer de son mari, هذا يعتبر شركا. Donc, ça, c'est la bab qu'on va voir aujourd'hui. Naam. Naam. طيب فقول المؤلف ذهاب المرأة إلى المشعوذين أتبعه أو أتبع ما قبله بهذا الباب لبيان أن ذلك داخل في العقيدة دخولا أوليا. Donc il est venu avec cette bab après avoir évoqué la bab ou une bab sur العقيدة الصحيحة. Pourquoi? Parce que cette bab-là, elle rentre en vérité dans l'aqida. هذه من نواقض الإسلام. Car cette chose-là, le fait de que la femme parte chez des charlatans, et le but visé par les charlatans, c'est-à-dire les sorciers ou les devins ou autres ou les magiciens, tout cela, ça fait partie, ça rentre dans l'aqida. فلهذا نسب أن يذكرها أو يذكر هذا الباب بعد ما ذكر باب العقيدة الصحيحة. Donc c'était ça convenait de qu'il place ce chapitre juste après le chapitre de la عقيدة الصحيحة. نعم. طيب. وقوله ذهاب المرأة. Lorsqu'il dit le départ de la femme vers les mouchaouzin. لا يفهم من ذلك أن الخطر على المرأة فحسب. On ne doit pas comprendre de cette partie de la bab comme quoi ce péché incombe à la femme. Comme quoi ce péché incombe à la femme seulement. Non. إنما ذكر هذا من حيث أو مخرج الغالب. Donc lui, il a évoqué le fait que la femme elle parte chez le mouchaouidin, mais ça ne veut pas dire que ça c'est une faute, que il n'y a que la femme qui tombe dans cette erreur. Non. Bel hada, ça englobe les hommes et les femmes. Mais lorsque cette erreur était plus fréquente du côté des femmes, c'est pourquoi il a atlaq al-qawl dhahab al-mar'a. C'est pourquoi il a englobé la parole et il a dit le fait que la femme parte chez les musha'widin. Wa illa hadha madhmum sawan kana rajulan aw imra'atan. Donc sinon ça, ceci c'est blâmable, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. C'est compris? Naam. طيب. Wa nadhir dhalika ma dhakarahu al-'allama al-'Utsaymeen في تفسيره لسورة الفلق عند قوله تعالى ومن شر النفاثات. Donc ceci est comparable à ce que Cheikh Al-Uthaymeen a évoqué dans son tafsir de sourate Al-Falaq au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ومن شر النفاثات. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé au féminin. Lorsqu'il a dit nafathat, il n'a pas dit nafathin, an-nafathin, ceux qui postillonnent. Il a dit celles qui postillonnent. Il n'a pas dit ceux qui postillonnent. Ça ne veut pas dire que les hommes qui font ces œuvres-là, c'est-à-dire postillonner sur les uqad, sur les nœuds, pour faire de la sorcellerie, il ne rentre pas dans ce verset. Non. Mais le but, c'est quoi? C'est que la plupart de ceux qui font ce péché sont des femmes. فَلِهَذَا أَطْلَقَ الْقَوْلِ نَعَمْ نَعَمْ وَقَوْلُهُ الْمُشَعْوِذِينَ. Et au sujet de la parole الْمُشَعْوِذِينَ, du mot الْمُشَعْوِذِينَ, قَالَ الْمُشَعْوِذِ الْمُشَعْوِذِينَ جَمْعْ مُشَعْوِذ. Donc, الْمُشَعْوِذِينَ, c'est le pluriel du mot مُشَعْوِذ. أي مشعبذ محتال, يعني c'est-à-dire charlatan. En français, c'est traduit par charlatan, imposteur. نعم. والمراد هنا الساحر والكاهن وما أشبه وما أشبههما. نعم. Et le but visé dans cette parole, c'est-à-dire le sorcier, le devin et tous ceux qui s'y apparencie. Naam. Wa qawluhu li'amal ma yuhib ma li'amal ma yuhabbibuha ila zawjiha. Et lorsqu'il dit pour commettre ce qui la fera aimer, pour commettre une œuvre qui la fera aimer auprès de son mari. Kadhalika, ceci c'est, il parle en fonction du ghalib, parce que la plupart des femmes qui commettent ce genre de péché, elles le font en général pour cette cause-là, pour se faire aimer auprès de leurs époux. نعم. وإلا قد تجد من يذهب عند المشعوذين لغير هذا الغرض. Et parce que tu peux trouver des gens qui vont chez les sorciers pour autre chose que cette affaire. لكن la plupart du temps, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça. نعم. نعم. فكما تعلمون السحر يعني بلوى على المجتمعات, بلوى عظيمة, فقد عامت البلدان والولدان, يعني وخصوصا في أيامنا هذه. Et donc le sihr, c'est vraiment une épreuve et un mal qui a englobé toute la communauté et qui a englobé la plupart des pays de l'islam. بل حتى بلاد الكفر. نعم. فربما لا نجد بيتا من بيوت المسلمين إلا وتجد من أصيب بذلك. Et سبحان الله. Il se peut même qu'on ne trouve pas une maison parmi les maisons des musulmans sans que tu trouves à l'intérieur une personne qui a été touchée du sihr. Naam. Kabura ou sagur. Yani que ce sihr soit grand ou qu'il soit petit ou qu'il soit multiple dans la famille ou qu'il soit yani d'une manière yani peu répandu. Al-muhim, السحر انتشر في البلدان ونسأل الله العافية ونمضى الله سبحانه وتعالى la protection. نعم. ويعتبر السعي للتخلص من آثار هذه الجريمة جهادا كبيرا خاصة حين يكون السحر قديما. Et aussi le fait de se précipiter pour combattre ce mal n'est autre que un grand effort dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Fa antum ta'rifuna an as-sihr la yadur yani al-mashhur faqat. As-sihr min shiddatihi annahu yadur al-mashhur wa man hawla. Fa li hadha yani kanat hadhihi al-balwa 'azima. Et le sihr, comme vous le savez, ça ne fait pas seulement du tort à celui qui est ensorcelé. Mais parmi les caractéristiques de ce mal, c'est qu'il fait du tort à la personne qui est ensorcelée et aussi à la personne qui sont autour de lui. N'aim. Fa, ma'ana, وفي الحقيقة الإنسان إذا ابتلي بمثل ذلك عليه أن يصبر وأن يعرف أن هذا من عند الله. Et donc, la personne, lorsqu'elle se trouve éprouvée d'une telle épreuve, il faut tout de suite qu'elle se rappelle que cela vient d'Allah Azza wa Jalla. وأن الله سبحانه وتعالى أرحم به من أمه. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus doux et plus miséricordieux envers cette personne que sa propre mère. Na'am. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait, et vous ne savez pas. Na'am. Fakam min shakhsin rubbama idha lam yamur alayhi mithl hadhihi al-ibtila'at ma yudrik ad-darajat al-ula fil jannah. Combien de personnes, si ils ne sont pas touchés de ce genre d'épreuves, n'obtiendront pas les plus hauts degrés du paradis. فالإنسان إذا ابتلي بمثل هذا لا بد أن يتذكر أن أمره كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. بيد الله أولا. ثم ثانيا لا بد أن يستبشر. Il faut aussi que celui qui est touché de ce mal-là qu'il pense du bien. يستبشر أن هذه البلوى يعني مهما كبرت ما تدوم. Il faut qu'il pense que peu importe la grandeur de cette épreuve, elle ne durera pas. كل هذه الدنيا ما تبقى ما تبقى هي دار ابتلاء وفتن وتمحيص. C'est une demeure, cette dunya-là, d'épreuves. وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, on a créé l'être humain pour une vie de lutte. Pour une vie de lutte. نعم. فهذه الدنيا يعني مهما يعني تتزخرف لبعض الناس فهي زائلة. Donc cette dunya, peu importe يعني qui elle peut enjoliver يعني à certains moments, nous on doit savoir que elle a une fin. نعم. Et que عاقبة الأمور كلها في صلاح المتقين. Et que la bonne fin, la fin bienheureuse, elle est pour les متقين. Elle est pour ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. فنعم يا عباد الله هذه فتن وهذه ماذا ابتلاء. لكن الإنسان يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بهذا. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, يعني c'est sûr que c'est une épreuve. Le sihr, c'est sûr que c'est une grande épreuve. Mais la personne, elle doit se rappeler que, surtout si elle est touchée de cela, que c'est une épreuve qui a touché le prophète عليه الصلاة والسلام. وحسبك شرفا. Et ça te suffit cela, ne serait-ce comme mérite de te dire que tu es éprouvé de la même épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé la meilleure des créatures et la plus aimée auprès de lui. بل الآن تستطيع أن تقول أن هذه البلوى يعني السحر من أعظم البلوى. Et le sihr, tu peux même dire que c'est l'une des plus grandes épreuves qui touche le croyant. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit que les plus grandes personnes ou les plus grandes épreuves sont pour les prophètes et ensuite pour ceux qui s'y apparencient, qui s'apparencient à ces prophètes. نعم. فأنت إذا ابتليت بمثل هذه البلوى فعليك أن تذكر مثل هذه المعاني. Donc si tu es touché par une telle épreuve, il faut que tu te rappelles ce genre de choses. والشخص إذا يعني ابتليت زوجته بالسحر أو المرأة إذا ابتلي زوجها بالسحر فعليه أن يصبر. وكم من شخص رأينا بطولتهم ورأينا يعني إيمانهم وشدة يعني صدقهم مع الله في مثل هذه المواقف. Et donc la personne, si sa femme elle est touchée de sihr, ou si la femme, son mari est touchée de sihr, يعني il faut qu'elle patiente. Il faut qu'elle patiente. Et combien de gens sont ceux qui يعني on a vu leur courage et la véracité de leur foi dans ce genre d'épreuve. فهذا يصبر مع زوجته على مر السنين وهو معها هكذا ويقرأ عليها ويصبر ويقوم بحاجتها وهذه كذلك إذا عاشت مع زوجها وهو مريض فتصبر عليه ويعني تعينه على حاجته وإلى غير ذلك. فتأملوا أن الله سبحانه وتعالى أكرم امرأة في هرة الله سبحانه وتعالى في كلب نعم الله سبحانه وتعالى أونوغي une femme du paradis juste pourquoi parce que elle a abreuvé un chien qui était qui avait soif. الله سبحانه وتعالى أونوغي du paradis. فالشخص إذا صبر مع زوجته أو المرأة إذا صبرت مع زوجها على مثل هذه البلوى العظيمة أليس ذلك أدعى للجنة ولرفع درجات ولأعلى المقامات فيها. Donc ceci n'appellerait pas au plus haut degré de يعني du paradis ainsi que ماذا l'élévation des degrés. Si Allah subhanahu wa ta'ala elle a fait miséricorde à une personne qui a fait miséricorde à un chien. بلا شك أن ما قد يحصل ماذا بين الزوجين من التعاون والصبر في مثل هذه الابتلاءات فنعم الله سبحانه وتعالى عند ذلك وافي. الله سبحانه وتعالى sur ce genre de choses الله il récompense une récompense énorme. نعم نعم. فالإنسان يعني مهما يكون هو عبد لله هو عبد لله ويعني هذا الموضوع كما تعرفون يعني الكل ربما قد عرف حقيقة هذا الضر هذا الضر. Donc ce sujet là beaucoup d'entre nous on a يعني goûté مسسنا la véracité de son mal, c'est-à-dire le sihr. لكن مع ذلك نستبشر بخير نستبشر بخير. هذه أمة مرحومة. Ça c'est la communauté du prophète sallam que le prophète a dit qu'elle était مرحومة, miséricordieuse. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala يرحمها. Allah subhanahu wa ta'ala il fait preuve de miséricorde envers cette communauté. فالإنسان يستبشر ولا يعني ماذا ولا يغرق في الغم والهم بل يستبشر. الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء. Je suis en fonction de la bonne pensée de mon serviteur. Qu'il pense de moi ce qu'il veut. فإن كان خيرا فخير. Celui qui pense du bien d'Allah عز وجل, Allah il lui donnera ce bien. Celui qui pense du mal, Allah il lui donnera يعني, ce qui lui convient. فنحن نحسن الظن بالله عز وجل أن من سحر أو يعني نعم أن من سحر الله سبحانه وتعالى سيفرج عنه عاجلا أم آجلا. On pense du bien que celui qui a été ensorcelé, Allah سبحانه وتعالى il va lui accorder une issue favorable bientôt ou يعني plus tard. لكن نحسن الظن به ومن قتل بسبب السحر نحن نحسن الظن بالله عز وجل أنه من ضمن الشهداء وأنه في أعلى مقامة الجنة. Et celui qui a été tué par du sihr نحن نحسن الظن بالله عز وجل on pense du bien d'Allah عز وجل كالله à honorer cette personne des plus hauts degrés du paradis et qu'il lui a accordé la shahada. Naam. Fa amru al-mu'min ajaban. In asabahu darra fa sabar fa kana khayran lah. Donc l'affaire du croyant, elle est étonnante. Comme le dit un prof, comme le dit un hadith. Si un mal le touche, il patiente. Fa kana khayran lah. C'est un bien. Wa in asabahu sarra fa shakar fa kana khayran lah. Et si un bien le touche, il remercie. Fa kana khayran lah. Combien parmi nous on demande le Jannah? On espère le Jannah. Donc une femme, elle est venue voir le prophète sallam en se plaignant de ce qu'elle pouvait trouver comme effet du sihr qu'on lui a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ماذا قال لها؟ قال لها إن صبرتي لك الجنة. Si tu patientes, tu as le paradis. إيش أعظم؟ إيش أعظم؟ ما هناك شيء أعظم من ذلك. فالإنسان إذا ابتلي في مثل هذه الأشياء لابد أن ينظر إلى بعيد. أن ينظر إلى بعيد. ربما ما تستطيع يعني تأتي بعمل تستحق الجنة. فالله سبحانه وتعالى يبتليك بهذه حتى تلاقي يعني الخير والسرور في الدار الآخرة. هذا أقل ما نظن، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يعني يشفيك في هذه الدنيا. نعم نعم. فهذا هو. فنسأل الله أن يرفع هذا البلاء عن هذه الأمة. نسأل الله أن يرفع هذا البلاء عن هذه الأمة. نعم. طيب. و يعني السحر تعرفه، ما تعرف السحر؟ من يعرف تعريف السحر؟ أخونا حماد، الليلة هي ليلتك. تعريف السحر ما هو؟ لغة، في اللغة تذكر؟ في اللغة قلنا ما خفي ولطف سببه، يعني في اللغة c'est tout ce qui a été tout ce dont la cause est cachée. Tout ce dont la cause est cachée. Voilà toufa. Sababo. Non. ما خفي ولطف عفوا لطف سببه. نعم. طيب. donc c'est tout ce que dont la cause est cachée. ولذلك سمي السحر. طيب والسحر ما هو؟ السحر ما هو؟ ها؟ لا آخر الليل. إيه نعم. والسحور؟ نعم. نعم ما نقول في رمضان وفي غيره من الأيام إذا صمنا. نعم. فكل هذه لأن العمل فيها يعني خفي تكون. السحر آخر الليل سمي سحر سحارا لأنه في آخر الليل والعمل فيه يعني خفية مخفية تكون. نعم. donc ça a été appelé de ce nom parce que les œuvres qui s'y font, c'est-à-dire في آخر الليل غالبا elles sont cachées des gens. نعم. وكذلك السحور. نعم. طيب، وشرعا قيل أنه أو قال إن هذا كلام الشيخ فوزان، الشيخ الفوزان حفظه الله، قال شرعا عزائم ورقى وكلام يتكلم به، عزائم سي لي تاليسمون، ورقى سي دي زانكونتاسيون، نعم، وكلام يتكلم به ان باغول افيك لاكيل يل باغل، وادويه وتدخينات، ادويه سي دي ميديكامون، وتدخينات ouais la fumée نعم تدخين fumée tout ce qui نعم tout ce qui va dans le sens يعني tout ce qui se fume ou ce qui se consomme en fumant نعم نعم وعقد يؤثر في القلوب والأبدان donc نعم وعقد c'est des nœuds. Et tout cela affecte le cœur et les corps. Fayumrad, fayumrad, wa yuqtal, wa yufarriq bayna al-mar'i wa zawji. C'est le Cheikh Fawzan. Il dit, donc c'est une cause de maladie, c'est-à-dire le sihr, wa yuqtal, et aussi c'est un sebab que tu peux mourir. Et كذلك, wa yufarriq bayna al-mar'i wa zawji. Et il divise aussi entre la femme et le mari, la femme et son époux. نعم. طيب وذكر الإمام الشنقيطي في أضواء البيان نحو هذا المعنى ثم قال اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة أنواع المختلفة الداخله تحتها. Donc Cheikh l'imam Shinqiti il dit que ماذا il dit que tu peux pas vraiment faire un excellent ou faire نعم ou rédiger une excellente définition du mot sihr parce qu'il y a tellement de sortes de sihr que en fait c'est très difficile de résumer le sihr d'une manière shar'an, yani, selon la législation. نعم. طيب. وكم أنواع السحر؟ Et le sihr, il a combien de sortes? كم أنواع السحر؟ اثنين. أيوة ما هي؟ نعم. الثاني كوت لو شيطان كان انتر لا بيرسون اي برون بوسيسيون. احسنت ذكر نعم نوعين. وانت يا حمد؟ انا ايضا اكون نوعين لكن نوعين. نعم. طيب ستكتب انواع السحر. انواع السحر ذكره ابن كثير وكذلك الإمام الشنقيطي في تفسيرهما ولخصنا من ذلك ما يلي. Et donc Ibn Kathir et l'imam Shinqiti ils ont évoqué les différentes sortes de sihr dans leur livre de tafsir du Coran. Et donc on résume ce qu'ils ont dit parce qu'il va venir. طيب. Alors premièrement, يعني سحر الكلدانيين سحر الكلدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب. Donc le premier sihr qu'il a évoqué, qu'ils ont évoqué, c'est le sihr de des gens qui adoraient les étoiles. نعم. من اقتبس شعبة من من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دوك هذا أول أنواع الذين يعبدون الكواكب. ceux qui adorent les astres ou les étoiles. وقال الشيخ الشنقيطي ومعلوم أن هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف. Donc ça c'est معروف que ce genre de sihr c'est de la mécréance sans qu'il y ait de خلاف en cela. ثانيا الاستعانة بالجن وتسخيرهم. ثانيا الاستعانة, le fait de demander l'aide des djinns et de les assujettir, et de les assujettir pour une quelconque mission. Troisième genre, منه ونعم ومنه الخيال الخيال الخيال يعني l'illusion. كذلك l'illusion ça fait partie du sihr. كما ذكر أخونا موسى فهذا كان سحر سحرة فرعون. نعم. Donc les sorciers de Pharaon, c'est ce sihr-là qu'ils ont employé. نعم. ورابعا استعمال بعض الأدوية. Et donc quatrièmement, le fait d'utiliser des médicaments. Certains médicaments qui affectent le cerveau ou qui affectent le cœur et le corps. تمام. طيب هذا يعني ملخص ما ذكروا أو ما ذكر هذان الإمامان. نعم. donc ça c'est le résumé de ce que ont évoqué l'imam الشنقيطي وقبله الإمام ابن كثير. طيب ما حكم السحر؟ السحر ما حكمه عندك يا جعفر؟ Un sihr, c'est quoi son jugement? Ouais, c'est du shirk. Shirk, Abdelmane? Du kufr? Ou la shirk? Kufr? Shirk? Ou la ma'asiyah? Kufr? Kufr? Hein? Kufr? Shirk, kufr? Ou ma'asiyah? طيب. نعم. طيب. كلكم يعني متفقين على أنه كفر وشرك. كفر. نعم. فالعلماء كشيخ العثيمين وغيره, شيخ العثيمين في قول المفيد. وأنت يا حمد ما سألناك. كفر. نعم. طيب. فالعلماء كشيخ العثيمين كما في يعني قول المفيد شرح على كتاب التوحيد ذكر أن هناك نوعان من السحر. donc شيخ العثيمين lui voit qu'il y a deux genres de sihr. le premier c'est celui qu'on a évoqué, c'est-à-dire le fait d'utiliser des shayatin, et le deuxième c'est le fait d'utiliser des médicaments ou des hubub, des pilules ou ce genre de choses. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, et il est de l'avis, que celui qui yastakhdim al-shayatin, hada shirk. celui qui emploie des shayatines pour faire du sihr, celui-là, il est tombé dans le shirk. Naam. Mais celui qui emploie juste des médicaments ou des hubub, fa'ada la yu'addu shirkan. Innama hada fasiqun. Hada al-fa'il fasiqun. Yu'tabaru. Yu'tabaru fasiqan. Naam. Donc, celui qui utilise les shayatines pour arriver à ses fins, hada shirkun akbar. Tandis que celui qui utilise des médicaments ou des hubub ou autre que ça, même celui qui fait de l'illusion des yeux, du moment qu'il n'utilise pas les shayatines, fa la yu'addu dhalika shirkan billahi azza wa jal. Et pourquoi on dit shirk? Pourquoi on dit que c'est du shirk? Parce que ceux qui sont venus demander l'aide des shayatines, ils n'ont pas fait ça, tout d'abord, si ce n'est que les shayatines leur ont ordonné certaines choses, certaines œuvres à faire, comme ilqa al-mushaf fi al-qadurat, ou comme sub al-dam fouq al-mushaf, ou nahu hadhihi al-a'mal al-khabitha التي يعرفها من تقرب من هذه الأمور. نعم. Donc les savants ils disent que c'est du shirk par rapport au fait que la personne elle a écouté les shayatines à faire ils sont partis à faire et ils ont fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit. نعم. Donc ils ont avancé l'obéissance des shayatines sur l'obéissance de qui? D'Allah azza wa jalla. فهؤلاء يعني تساووا بين هؤلاء الشياطين وبين رب العزة والجبروت. نعم. فمن هذه الناحية كانت شركا. Vous avez compris pourquoi c'est du shirk? Parce qu'ils ont avancé l'obéissance de ces شياطين sur l'obéissance d'Allah سبحانه وتعالى. نعم. طيب. هذه انتهينا منه على أن الشرك إذن شرك ولا سحر؟ شرك أو معصية؟ يكون شركا ها؟ يكون شركا وعيد معصية. نعم، بس نحن نريد الفرح. هل هناك سحر يعني ما يطلع إلى درجة شرك؟ نعم نعم على قول ها؟ نعم هذا على قول وهو قول الراجح. فالآن إذا مثلا واحد يأخذ هذه الورقة بسرعة يخرجها من هنا لكن بدون أن يعمل أن يستخدم الشياطين وكذا، إنما خيال، عرفت؟ هل هذا شرك؟ هذا فسق، هذا فسق. وكذلك كما ذكر أخونا حمد، المسألة خلافية، نسينا أن نذكر هذا، أن المسألة خلافية. بعض العلماء ما يرون التفصيل، أي سحر فهو كفر عندهم، وهذا يعني له وجه. Et ça aussi c'est une chose, c'est un avis qui est fort. Le fait de dire que le sihr, il n'y a pas de détail. Tout le sihr, peu importe le sihr, il fait partie du shirk. لكن الإمام ابن حزم رد على هذا القول وأتى بحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات، فذكر الشرك ثم السحر، واستدل بذلك وكذلك بحديث ماذا؟ بحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث، الثايب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفرق للجماعة. دونك الإمام ابن حزم il a pris ces deux dalils, ces deux hadiths, le hadith que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit éloignez-vous des sept destructrices. lorsqu'ils lui ont demandé c'est quoi les sept destructrices, il a répondu c'est le shirk, thumma al-sihr. Donc il a farraq baina al-shirk wa al-sihr. Donc l'imam Ibn Hazm, il a pris ce dalil pour dire que le sihr ne rentre pas dans le shirk. Naam. وكذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, comme quoi le prophète صلى الله عليه وسلم a dit on ne tue pas le musulman si ce n'est, ou on ne fait pas couler le sang du musulman si ce n'est dans trois cas. Lorsque il commet la fornication alors qu'il est marié, lorsqu'il tue une personne, et كذلك lorsque il a laissé sa religion. نعم. فالإمام ابن حزم أتى بهذه الأدلة لبيان أن السحر معصية وليس كفرا وليس بشرك وليس بشرك. ونحن نرى أن قول الشيخ العثيمين في هذه المسألة هو الصواب. فلا هذا ولا هذا. On ne dit pas que le sihr, yani tout entier, tous les groupes, toutes les formes de sihr, c'est du kufr ou du shirk, mais on ne dit pas non plus que tout le sihr, peu importe que, yani quel genre il est, de quel genre il est, ça ne rentre pas dans le shirk. Bal, ma huwa shirk kama taqaddama dhikruhu. Naam. Wa mas'ala al-akhira, hal yuqtal al-sahir? Est-ce que le sahir, on doit le tuer? Naam. Yani, taïb. Mas'ala fi mas'alatayn. Fi yani mas'alatayn fi mas'ala. On va évoquer deux mas'ala dans la même mas'ala. Taïb. Est-ce qu'on doit le tuer et est-ce que on doit lui demander de faire tawba? On le tue et on lui demande qu'il fasse tawba? لا يقتل يعني لا كيف on lui demande qu'il fasse tawba mais on le tue quand même parce qu'on sait pas s'il est sincère ou pas طيب ايش عندك يا شيخ ايوب توبته تقبل هذا ما يعني ما نختلف فيه. وإذا سبب بحق مسلم فيقتل بالقصاص. نعم. طيب لكن هل يستتاب؟ أسكون لي دموند دو فيغ توبة؟ يستتاب. كل مرتد يستتاب. كل مرتد يستتاب. طيب من مع أخونا أخينا؟ أنت يا ريان؟ تمام. أنتم؟ جيد. فالصواب والله أعلم ما فعلوا الصحابة. الصحابة جاء أثر عن عبد الله بن جندب أنه أول ما رأى الساحر قتله. وكذلك جاء الآثار عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل الساحرة السواحر والسواحرة. Comme quoi, il y a un affaire de Omar ibn al-Khattab qui a ordonné à son époque, lorsqu'il était calife, de tuer tout sorcier et toute sorcière. وكذلك آثار عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. Et donc حفصة, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a ordonné de faire tuer une femme parmi ses servantes qui l'avait ensorcelée. سبحان الله على من حيث يعني بين قوسين انظروا هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما سلمت من السحر هي حفصة نعم طيب donc ces compagnons là ces trois compagnons qu'on vient d'évoquer on a dit c'est qui Hamad عمر بن الخطاب أبو هريرة أنت يا عبد الملك؟ تذكر؟ أبو هريرة؟ حفصة؟ طيب قلنا جندب ابن عبد الله. نعم نعم. فهؤلاء الثلاث ثبت عنهم أنهم لم يستتيبوا سواحر. Donc c'est venu de ces trois comme quoi ils n'ont jamais demandé avant de tuer le sorcier de qu'il fasse tawbah. فالذي رجحه شيخ العثيمين وغيره وغيره أن الساحر لا يستتاب. Que le ساحر on lui dit pas توب إلى الله. لا إذا مسكناه يقتل مباشرة يقتل مباشرة. والمسألة فيها خلاف ولكن الأدلة من أفعال السلف تدل على هذا. فالساحر يقتل ولا يستتاب. نعم. وبهذا ننتهي من الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا رب.